rester à cette place. Je vais rester à cette place. Ainsi, vous n'aurez pas de peur. Ainsi, vous n'aurez pas de peur. Si vous restez à cette place, si vous restez à cette place, ainsi, je n'aurai pas de peur. Dans ma vie, vu plus d'une femme jolie, mais tenez, mes regards jamais, jamais n'avaient admiré tant d'attrait. Monseigneur, jamais, Monseigneur, jamais. Oh,